Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Émile Gauthier nous fait sa chronique plein air. Et on reçoit Danny Janvier pour parler de Just Cause 2 dans la chronique CNX. Et ça commence vraiment tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'émission Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées sur les ondes de C'est fou. Oh oui! Commence rapidement aujourd'hui. Ça commence sans trop nous avertir à l'avance, cette belle petite émission-là. Bienvenue à vous, qui n'avez toujours pas de nom. Par contre, j'ai reçu des courriels. Ah oui, pour vrai, t'as des suggestions? Oui, des suggestions de gens. On en parlera un petit peu tantôt de vos noms, à vous les auditeurs. Hein. Vous savez que les palmarès C'est fou ont les palmiers. Les auditeurs s'appellent les palmiers. À Assemblage requis, on est à la recherche d'un nom. À vous donner un petit nom affectueux, un genre de petit... quelque chose de cute, là. Genre. Bon. Bref, on en reparlera tantôt. Oui, aujourd'hui à l'émission, on va entre autres recevoir, comme tous les mardis, Émilie Gauthier qui vient nous parler de plein air. Et aujourd'hui, dans sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? », on nous parle spécifiquement de tente. Donc, ça va être le moment où tu pourras faire tout plein de sous-entendus douteux. C'est ça, je vais les imaginer dans ma tête. Je vais peut-être pas tous les dire parce qu'il y en a beaucoup avec les tentes, je trouve. Ouais, c'est ça. On va recevoir aussi aujourd'hui Danny Janvier, notre collègue du Dîner de cons, hein, qui anime ici du lundi au jeudi entre 11h et 13h. Il va nous venir nous faire une chronique, une critique de jeux vidéo à l'intérieur de la chronique CNX un petit peu plus tard dans l'émission. C'est ce qui s'en vient très, très, très bientôt. Ouais. Un petit peu de nouveauté CD aussi, puisque c'est mardi, mais je t'avertis tout de suite, il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant aujourd'hui, donc ça va être assez bref, mais quand même quelque chose de pertinent. Donc c'est très bientôt ça dans l'émission, mais on va commencer tout de suite en musique avec un extrait du palmarès anglophone. C'est le groupe Hot Chip avec la pièce Hallicat à Assemblage requis. I like to think so, but between Fake it, the plants and animals. C'est bien ça qu'on a entendu, Kiwan. Assemblage requis. Oui, c'est pas une pièce qui est sur le palmarès, mais je crois qu'on a du Plants and Animals, par contre, sur le palmarès. Oui, tout à fait. Anglophone. De Mama Papas? Oui, c'est ça, c'est cette pièce-là. Et puis, leur album est tout nouveau. Et en fait, il n'est pas sorti encore. Il sort dans 2 semaines environ. Il va être lancé le 22 avril à Montréal. Mais nous, on est meilleurs que vous autres. On est chanceux, en fait. On est très chanceux. Bon. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Kiwan, Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis, c'est un des. C'est toi, là? Tu te rappelles? Ben Kiwan. Oui, je me souviens. Kiki. Je me souviens très bien. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine, Kiki? Toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, ça. Hein? Je vais sauter quelques détails pas pertinents de choses qui sont sorties de certains. Des orifices? De quelqu'un qui n'est pas moi. bref. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé des côtes levées, Kiwan, en fin de semaine. Barbecue, gros barbecue de famille, en fin de semaine. C'est ton baptême de barbecue de la saison. Tout à fait. Côtes levées et hot dogs, c'était, ma foi, excellent. Ouais. C'est bien, ça. Pas grand-chose d'autre. Toi? Moi, je fais partie des fanatiques extrêmes qui font du barbecue toute l'année. T'en as un chez toi? Ouais, ouais. Wow. Tu sais, l'hiver, là, on se sent toujours un peu presque jugé hein, quand on fait du barbecue l'hiver. On dirait que les gens nous regardent et font comme... Un galé, lui, le fou, il se fait du barbecue au mois de janvier, mais ouais. Ils sont jaloux, c'est tout. Je peux vivre quand même avec les jugements. C'est l'odeur qui rend les gens jaloux, je pense. Ouais, mais samedi, en fin de semaine, en tout cas, faisait tellement beau. Là, tu promenais à peu près n'importe où, puis t'avais une odeur de grillade qui venait. Je suis pas capable de survivre à ça. C'est trop pour moi, une odeur de barbecue. Je capote, j'en veux là, tu sais. Ah, ouais. C'était magique. En fin de semaine, il faisait beau. Moi, j'ai eu mon baptême de piste cyclable en fin de semaine. Puis j'ai vu une scène vraiment choquante, en fait, là, sur la piste cyclable. OK. J'ai vu un accident, mais c'était vraiment hard, là. Ben, raconte. Ben, tu sais, il a fallu que j'évite une flaque de sang. Je veux pas être trop descriptif, là, mais... Ben, là, t'as tué quelqu'un? Non, pas moi, là. Okay. Mais, tu sais, il y avait comme un attroupement. Puis là, tu sais, moi, je suis pas du genre à m'arrêter puis à faire le voyeur devant les accidents, mais là... J'ai pas pu vraiment m'empêcher de voir la scène. Puis je vais t'avouer que les genoux m'ont fléchi un petit peu. Ben voyons donc. Ouais, un accident violent. Est-ce que tu t'es renseigné s'ils en ont parlé aux nouvelles ou à quelqu'un? Non, mais je suis repassé par là parce que c'était sur mon trajet pour revenir. Puis la cycliste en question était vivante en tout cas. Okay. Là, puis il y avait les ambulanciers qui s'occupaient d'elle. Elle avait pas l'air trop sonnée. Elle a juste perdu beaucoup de sang. Fait que c'est ça qui était un petit peu troublant. Mm. Ceux qui ont peur du sang, là, mais bref. Ouais. Je vais aller voir sur trois-rivières-91.com. Il y a sûrement des photos. Sûrement des photos très choquantes. Mais non, mais sinon, c'est pas ça vraiment le fait saillant de ma fin de semaine. Moi, tu te souviens, la semaine passée, on n'a pas arrêté de passer du Jape and Droids parce que j'allais voir leur spectacle à Montréal en fin de semaine. OK. Très, très bon spectacle. Cool. Puis le groupe principal, c'était Jape and Droids, ceux qui m'avaient attiré là à la base. Mais tu te souviens, depuis quelques semaines, on avait vu que Love is All était en première partie. On connaissait pas trop Love is All. C'est un groupe de Suède. Et puis, je t'avoue qu'ils ont presque volé la vedette. C'est sûr que Jape and Droids, là, c'est vraiment très, très solide en spectacle. Ils sont seulement deux, je ne sais pas si tu savais, ils sont deux dans le groupe. Non. Et puis, vraiment, ça brasse, c'est incroyable, c'est très énergique, c'est sec. T'sais, avec juste deux instruments, ça n'a pas le choix. Là, mais vraiment, très, très bon show de Jape and Droids. Sauf que moi, vraiment, je me suis vraiment fait séduire complètement par Love is All. J'écoute juste du Love is All depuis ce temps-là. Tu vas nous en faire jouer, j'imagine. Ben hein? Oui, c'est sûr. Ben oui. C'est vraiment très, très bon en spectacle. Ils sont cinq sur la scène Love is All. Il y a des cuivres en plus dans leur musique. C'est super joyeux. Puis c'est ça, je connaissais pas tant. En fait, Love is All, qui font quand même une grosse tournée nord-américaine ces temps-ci. Sauf que le set était vraiment trop court. Là. C'est vraiment ça le problème du spectacle que j'ai vu. C'était comme peut-être... 25-30 minutes, là, la partie de Love is All, parce qu'il y avait un autre groupe aussi en première partie qui n'était pas particulièrement remarquable. Tu ne te rappelles même pas du nom. Hein. Ben, c'était The Two Koreas. C'était meilleur, j'avais écouté un peu sur MySpace, puis c'était meilleur en version studio que live, finalement. C'était meilleur que la mauvaise version MP3 du MySpace, qui grichait. C'est rare qu'on dit ça, d'habitude, souvent c'est plus intéressant de voir un groupe en spectacle, mais non. Dans leur cas, non. La seule chose qu'il y a de positif à dire, c'est que je trouve qu'ils ont l'air d'être de bons pères. OK. Il y a tout l'air d'être des bons pères, je trouve. Mais sinon, Et ils ont rendu les autres groupes encore meilleurs par comparaison. Ouais, t'sais. C'est vrai. Ouais. Voilà. Donc, t'es pas allé toi non plus aux rivières, à la petite ferme de Pâques? Je suis pas allé à la ferme de Pâques, non. C'est dommage. Ouais, hein. On n'encourage pas assez la relève des poussins. Des animaux de la basse-cour. Qui sont probablement cette semaine rendus dans un restaurant chic. Oh! et pas pour pas pour prendre l'apéro. C'est ça, ils sont pas là pour boire du vino. Non. Non. Ah, pour eux autres, hein. C'est cruel, la vie, des fois. Ouais. Comme vous autres, vous êtes en train d'écouter Assemblage Requis. Ah! Hein? Et là, tantôt, tu me disais que tu avais eu des suggestions là, pour les noms. On va s'en reparler tantôt des noms des auditeurs qu'on aurait probablement trouvé quelque chose. Je pense que j'ai mis le doigt sur le bobo là, pas mal en termes de suggestions reçues par boîte de courriel. On aurait peut-être trouvé un terme pour désigner les auditeurs d'assemblage requis. Et c'est ma foi, si on était dans une autre radio, on aurait sûrement une grosse campagne publicitaire avec des espèces d'effets sonores. Ça dirait, tu sais, là, il y aurait comme une furie autour de ça. Puis là, on vous l'annoncerait comme avec des roulements de tambour. Là. Mais on n'aura pas. Fait qu'on va faire ça de façon très sobre tantôt. Comme on l'aime si bien, ça ou encore pas de budget. Voilà. C'est un peu notre créneau, je pense. Donc, on fait ça tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, on va aller écouter un peu de Love Is All. C'est vraiment ma pièce préférée de Love Is All. On écoute tout de suite. C'est Bigger Boulder à Assemblage Requis. Au 89 FM, c'est... Je savais jamais quand ça allait finir, cette affaire-là. Ah, puis là, c'est le moment normalement où tu dis maudit MySpace qui affiche pas le temps de la pièce qui roule. Mais là, c'est, maudit c'est MySpace qui affiche pas le temps de la pièce qui roule, mais finalement, c'est. C'est moi qui l'ai dit. Toi qui l'as dit. C'était Heart Sweet de JP Android. Vous êtes toujours à l'émission Assemblage requis. Ça fait longtemps, mais tu sais que t'as pas fait de chronique CNX, il me semble. Ben oui, je vais continuer comme ça parce que c'est pas moi vraiment qui va faire aujourd'hui, finalement. C'est Danny Janvier qu'on reçoit du dîner de con du lundi au jeudi entre 11h et 13h. Donc commençons la chronique technologique CNX. Dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot. C'est à ne pas en croire mes oreilles. Bonjour. Hey, c'est Denis Janvier du dîner de con lundi au jeudi, 11h à 13h sur les ondes de CIF 89 FM, présenté par Bénédicte Daniel Côté. Entre autres. On l'appelle aussi Dan pour les intimes. Ben oui, Dan. C'est la version plus longue. Ben oui. Danny, oui. Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Tu portes un beau tissu jaune, c'est beau ça. C'est pour quoi déjà? Attends, c'est quoi? Parce qu'il y en a des causes à cette heure. Manque de couleurs. Il n'y a plus de couleurs. Non, c'est contre... C'est pour le démantèlement. Des centrales nucléaires. Ah! C'est pas contre le nucléaire en tant que tel, c'est le démantèlement des centrales. Je pensais que c'était contre la fermeture des salons au centre-ville à côté du... Ça pourrait être aussi pour les carrés jaunes. Pour les carrés jaunes. Tout simplement. Ben, les formes géométriques, des fois, qui sont... Ils sont un peu laissés de côté, des fois, de nos jours. Hein? De côté à 90 degrés. Hein? Oui. Côté. Ouf! Ouf! Je vais entrer dans ton monde de jeux de mots. Aujourd'hui, t'es pas là pour les jeux de mots, t'es là pour les jeux vidéo. Hein? Oui, ben oui, je me suis remis à vos jeux depuis 2-3 ans. J'avais pas... Je jouais plus. Pantoute, je jouais plus, ben un peu la DS, mais... Quelques temps, je prenais de la DS, jouais un petit peu, je me tannais très vite. Je te dis, au moins depuis un an, j'avais pas touché à une console. Wow. Et puis là, ben, je me suis payé une PS3. Oh. Je me suis fait plaisir. J'ai mis ça sur la grosse TV, HDMI, pis tout. Colin Danny. Puis là, j'ai fait, waouh, c'est le fun de jouer aux jeux vidéo, je me rappelle pourquoi j'aimais ça. T'as-tu regardé des Blu-ray? Non. Non, il va falloir. Hein? C'est trop long un film pour moi. C'est vrai, je le sais, je suis d'accord. Ma capacité de concentration, je pense. Trouble déficitaire d'attention. On va sortir un carré pour ça. Ça va être pour le raccourcissement des films. Exactement. En dessous d'une heure. Non, non, mais c'est pas vrai. Quand c'est bon, on voudrait que ça dure 5 heures. Mais c'est ça, regarde. On peut regarder 10 épisodes de Lost de suite, puis ça se fait ça. Exactement, exactement. Ou CSI, n'importe quoi. Des trucs que même... Hey. Les Invincibles, ben sur oui. Tout.tv, allez écouter ça, ça vaut la peine. T'as-tu écouté la version de France? Non. Non. Non. Non. Mais en tout cas, regarde, je vous parle de Just Cause. Just Cause qui avait sorti, ben, c'est le 2, mais il avait sorti un premier opus, bien sûr, Just Cause tout seul, et qui n'avait pas été très apprécié de la critique. Certaines personnes aimaient bien ça, mais ça a l'air que la communauté n'aimait pas. Il y avait trop de défauts dans le jeu. Eh bien, ils se sont mis, Eidos qui a sorti ça, ils se sont mis à écouter les forums puis les geeks qui parlaient de ce jeu-là, et puis ils ont essayé de l'améliorer pour le rendre le plus sympathique possible. Et puis c'est quoi Just Cause? Eh bien, à la base, t'es un... Et tu t'appelles comment? Rico, c'est vraiment cliché. Rico Rodriguez, ah, genre. Ben oui. C'est... On dirait un nom d'acteur porno. Ben ouais, ou un lutteur mexicain, on ne sait pas. Mais en tout cas, t'es un latino. Juste un voyardi, finalement. Oui, c'est ça. Un latino qui est employé. T'es un genre de mercenaire employé par l'agence, qui est finalement la CIA. Et t'es là pour mettre le trouble sur une île qui est inventée et qui s'appelle Pano, P-A-N-A-U. C'est un peu le Panama, c'est un peu l'Afrique, c'est un peu l'Amérique du Sud mélangée dans une île. Parce que le monde est fermé, mais c'est un monde fermé, mais ouvert. Hein? C'est difficile à suivre. Ah, okay. Dans le sens que c'est une île, mais c'est un monde ouvert, un peu à la Grand Theft Auto. Mais tu peux pas dépasser l'eau, mettons, de l'île. Exactement, il y a une limite dans l'eau. Là. Ah. Tu peux aller un bon bout sur les côtes, mais à un moment donné, il y a un carré, là, tu peux plus sortir. Sauf que c'est un monde immense. On dit que c'est deux fois l'île de Montréal, à peu près en grandeur. Et Colin, hein? Et puis c'est rempli de montagnes, autant des trucs justement en altitude que de la jungle. Donc t'es vraiment dépassé, on dirait, mettons, sous l'équateur. Parce que c'est un mélange d'Amérique du Sud puis d'Afrique. Et puis le but, c'est d'aller dans des factions, mettons, des genres de paramilitaires là, ou de rebelles qui, eux, veulent faire tomber le gouvernement de cette île-là. Puis on voit qu'il y a un genre de dictateur. Là. Dans chaque coin, il y a des grosses statues. Un peu un régime fasciste, là, de, finalement, des îles du Sud. Et puis toi, ton but, c'est de mettre le trouble là-dessus pour le fait de l'agence, de la CIA. Dans le fond, les États-Unis te demandent de mettre le trouble dans une île. Et puis, il faut que tu crées le chaos. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que... Justement, c'est un monde ouvert. Tu peux vraiment t'amuser à faire ce que tu veux. Tu peux juste te promener en voiture, en Jeep. Il y a des centaines de véhicules. Qu'est-ce qui est trippant, vraiment? C'est un grappin. Un grappin et un parachute à l'infini. Ce que j'explique... ouais, explique. J'explique, c'est que tu peux... avec ton grappin, tu vises quelque chose. Tu ouais. te tires après. Là, tu pars, OK? Ton grappin te ramène à quelque part. Mais pendant que tu t'amènes à toute allure, ben, tu peux ouvrir ton parachute. Fait que ça crée comme... Comment tu t'envoles ouais. tout d'un coup comme ça. Puis tu peux passer un peu à la Spider-Man. Ouais, c'est ça, de te tirer avec ton grappin après une branche ouais. d'arbre, après un auto qui passe dans la rue, tu peux te tirer dessus, puis tu swings, tu t'en vas. Donc, tu peux vraiment aller n'importe où, puis tu peux te jeter en bas de n'importe quel véhicule aérien, soit hélicoptère, avion à réaction, petit Cessna ou autre. Donc, ça, c'est trippant aussi. J'ai vu que tu pouvais ouvrir ton parachute très, très tard dans ta chute. Ah, tu peux attendre, là. Et même, c'est ça, c'est trippant de faire de la chute libre parce que tu peux monter à des hauteurs assez hallucinantes. Et il fait presque noir, là, tu vois les étoiles, ouais. là, t'es vraiment dans la haute stratosphère. Et puis, tu te garoches en bas et puis tu fais de la chute libre jusqu'à... Ben, si tu fais rien, tu vas mourir. Mais je te dis, si tu te pitches à l'eau et que tu descends pas, là, si tu pointes pas vers le bas, si tu fais juste rester en chute libre... Tu peux amerrir sans problème dans l'eau, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ouais, c'est aucun souffle là-dedans. Coupé. Physique. Mais par contre, le reste est vraiment quand même assez trippant. Les véhicules sont très réalistes. Les graphiques sont bons. C'est pas les, ce qu'il y a de mieux pour sur PS3. 3, hein. Parce que PS3 peut aller pas mal plus loin avec des jeux comme Heavy Rain, que je pourrais vous parler une autre fois. Bien sûr. Ou même, je dirais... comment ça s'appelle, Uncharted 2, des trucs comme ça. C'est des jeux, quand les jeux sont spécifiquement faits pour la PS3, là, vous avez vu quelque chose vraiment couper le souffle côté graphique. Celui-là ne l'est pas? Celui-là ne l'est pas, donc disponible sur PC, Xbox 360 et PS3. C'est ça, le petit hic, c'est peut-être les petits côtés impossibles de la chose, mais en même temps, on joue aux jeux vidéo, c'est pour que ça soit fantaisiste, pour qu'on fasse des choses qu'on ne fait pas dans la vraie vie. Mmh. Donc là-dessus, c'est assez trippant, et comme je suis un peu peureux, je pense pas faire de la chute libre, c'est quand même assez intéressant d'aller faire ça. Vive tes rêves. Ouais. Donc, c'est bourré de plein de missions, parce que tu te mets à être ami avec des rebelles, et ils te disent, bon, tu peux-tu aller faire sauter les 4 satellites qui vont... décoller, faut que tu défasses les systèmes de communication, faut que tu fasses sauter les oléoducs de gaz. Dans le fond, faut que tu mettes la marbre dans l'île. Le but du jeu, c'est ça. Mais ce qui est le fun, c'est vraiment de pouvoir toucher à tout. Aussi, il y a toujours l'agence est disponible. Tu peux appeler puis te faire téléporter, ben pas téléporter, mais évacuer. Mettons que t'es d'une zone que ça brasse un peu trop puis que bon, t'en as assez de te faire tirer dessus. Mais t'appelles l'agence, un hélicoptère qui vient te chercher, te ramène en lieu sûr, ou ils peuvent te dropper un véhicule quelconque, un avion, un Jeep, ou des armes, s'il te manque des armes, il te manque des munitions. Ça, c'est toujours assez intéressant parce que ça donne un petit coup de main là pour finir ta mission. Je dirais le gros hic, c'est que ce jeu-là, en 2010, a pas de mode en ligne. Ah. Moi, je pense que c'est vraiment le hic. J'imagine ce jeu-là avec un mode en ligne. Wow, ça serait quelque chose. Ça viendrait rendre ça plus long. Parce que là, est-ce que c'est un jeu qui a une fin ou un jeu qui a... C'est un jeu qui a une fin, mais la durée est énorme. Okay. Moi, je pense que j'ai 12 heures de jeu à date dessus. Et puis j'ai peut-être 7% de fait, 8% de fait. C'est parce que t'as des lieux à découvrir dans ta jungle. La jungle est immense, puis chaque petit village a quand même une petite citerne, un château d'eau, puis une antenne pour les communications. Fait que si tu veux tout finir, faut peut-être détruire tout ce qu'il y a... Tout ce qu'il y a, dans le fond, une étoile de Panavienne qui appelle. C'est dans le fond, c'est comme c'est comme si, mettons, tout ce qui aurait un logo des États-Unis dessus, tu irais le défoncer. Mm-hmm. Ben, c'est un peu le même genre. Là, on inventait une étoile. C'est une étoile blanche à 5 branches. Et donc, tout ce qui a un truc là-dessus, tu peux défaire et ça monte ton pourcentage. Ça te donne de l'argent et ça te donne des points de chaos qui te donnent de l'argent pour t'acheter des trucs, okay. pour faire commander le chum de l'agence qui vient t'amener ce que tu veux. Donc, c'est un très bon jeu. Ouais, mais la durée de vie aurait été vraiment plus trippante avec un mode en ligne. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça devient un peu répétitif. Là. C'est de détruire. Pis c'est toujours les mêmes trucs qu'il y a à détruire. Des citernes de gaz, des antennes, des générateurs d'électricité, des trucs comme ça. Un petit peu redondant. C'est pour ça qu'à la mode en ligne, je sais pas, dead match ou bien jeu de drapeau, peu importe lesquels, ou même le premier qui prend telle base d'assaut, ben, je pense que ça pourrait vraiment faire une durée de vie pas mal plus trippante. Puis aussi avec le nombre de véhicules qu'il y a disponibles, c'est hallucinant, là, les nombres d'avions, d'autobus, vraiment beaucoup, beaucoup de trucs, ben, je pense qu'on pourrait avoir, comme je te dis, une durée de vie beaucoup plus longue. C'est le hic du jeu, je dirais. Le hic majeur. Moi, sur un côté un petit peu plus technique, là, j'ai pas encore tant joué à la PlayStation 3. Côté temps de chargement, est-ce que ça s'est amélioré pas mal avec la PlayStation 3? Ben, la plupart des jeux, comme je te dirais, les jeux PS3 sont très longs à charger. Okay. Ce jeu-là, étant donné qu'il est fait pour les consoles de toute génération, l'autre très rapidement, puis pourtant, l'univers est immense, là. Fait que ça, non, pour Just Cause, le temps de téléchargement est très bon. Mais oui, la PS3, il y a quand même à attendre. C'est un ordinateur. Là. T'es avec un Est-ce qu'il y a un petit peu de musique dedans dans le jeu? Pas beaucoup. Non. Sérieusement, j'ai été surpris. Parce que de ce temps-ci, je jouais beaucoup avec Uncharted et Grand Theft Auto 4. Les deux, autant Grand Theft Auto, ben on connaît, là, les stations de radio infinies. Et Uncharted, lui, c'est de la musique très grandiose, très Indiana Jones. Là, puis, c'est un grand déploiement. Là, c'est comme je me retrouve avec pas vraiment de musique. Puis moi, j'aime ça des fois prendre une pause, attendre 2 secondes, écouter ce qui se passe. Pour vrai, juste par expérience sonore, là, il arrive une petite musique des fois dans des temps où que ça brasse bien gros, mais c'est étouffé totalement par les bruits de véhicules et de guns et de tout ça. Là. Non, la musique est un peu absente, je dirais. Mais si on résume un peu la chose, est-ce que tu vas le garder, le revendre? Je vais le garder. Oui, parce qu'il est très long. Par contre, ça serait le temps de le revendre parce qu'il est encore payant. Parce que je me suis fait avoir avec Heavy Rain. Je vais voir une semaine. Il me donnait 37$ pour. Ouais. Je venais de l'acheter, ça faisait 5-6 jours. Pas que c'est pas un bon jeu, c'est que c'est un jeu qui se termine très rapidement puis qu'il n'y a pas de mode en ligne. Ouais. Et puis je me suis dit, je vais aller m'acheter Just Cause, ça va me coûter presque rien. J'arrive à quelques jours après. Ah non, il a baissé, rendu à 27. Fait que t'as dit oui pour qu'il descende à 17. J'ai dit pas qu'il descende à 17 ou à... Oh non, on n'achète plus, on en a trop. Donc, vos jeux, quand vous les avez faits maintenant, avec les nouvelles consoles, puis même presque tous les magasins offrent de racheter vos jeux. Puis même, t'as comme une petite assurance, là, je pense, avec eBay Game, pour pas le nommer. T'as une assurance de jouabilité. T'as un 5$ de plus. Puis si tu le ramènes dans les 7 jours, ils te le remboursent au complet. Oui, il y a un genre de truc comme ça. Ça vaut la peine. C'est quasiment mieux que louer un jeu, ça, là. Ben oui, parce que si vraiment tu l'aimes, tu peux le garder. Oui. Mais si tu l'aimes, mais que tu l'as fini, ben, tu peux aller t'en changer, ton jeu. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'amène à un autre sujet, rapidement. Gamefly, est-ce que tu connais Gamefly.com? Non, C'est un genre de Netflix. Je sais pas si tu vas plus connaître Netflix. Non. Netflix, désolé, c'est pour... Je vais apprendre. Ben, Netflix, c'est pour louer des films. Donc, tu t'abonnes, mettons, à un certain prix par mois. Tu peux louer 1, 2 ou 3 films. Et puis là, aussitôt que t'en reçois un, tu le regardes pendant le temps que tu veux. T'as pas de limite de temps, puis t'as pas de frais à rembourser. Okay. Puis quand t'as fini, tu le renvoies, puis t'en envoies un autre, tu sais, tout de suite. Fait que Gamefly.com, c'est la même affaire, mais pour les jeux vidéo aux États-Unis, c'est parfait, là, tu t'abonnes. C'est ça. Chouing. C'est ça, puis si tu l'aimes, tu veux le garder pour la vie, garde-le. Puis, quand tu le payes, il t'envoie le livret d'instruction puis la boîte. Bon, oui. C'est pas c'est magique, ça? C'est parfait. C'est ça, mais informez-vous même ici, là. Non, mais c'est super. Mais informez-vous même juste tout près à Trois-Rivières. Il y a des endroits qui font ça, à peu près le même service. Puis, en tout cas, ça vaut la peine des fois de payer un petit 2, 3, 4, 5 piastres de plus pour pouvoir vous l'échanger, votre jeu. Puis je vous dis, amusez-vous. Tout à fait. C'est donc Just Cause 2 sur PlayStation 3. Tu disais aussi Xbox et PC. PC, oui. Voilà. C'est édité par Eidos Interactive, développé par Avalanche Studios dans le genre action pour un seul joueur, comme tu disais. C'est coté 17 ans et plus. C'est sorti le 23 mars dernier. Donc très, très à jour, mon cher Danny. Quelle cote? Tu veux deviner la cote totale? Ben, moi, je peux en donner une. Donne-en une, on verra après. Moi, je te dirais un 8 sur 10. 8 sur 10? Oui. C'est 84, donc 8,4 sur 10 selon les critiques. C'est quand même pas si mal. C'est basé sur 42 critiques reconnues internationalement. Et le score des gens comme vous et moi, là, c'est 88 sur 100. Bon. Donc, je suis quand même dans le bien. C'est comme je te dis, moi, c'est juste le côté un petit peu répétitif. Sauf que les fois, je suis chez nous et que j'ai un moment, j'ai le goût de jouer. Fait que c'est pas si plate que ça. Parce que c'est tellement le fun de pouvoir te garrocher partout. Tirer Spider-Man. Partout. Ouais, un petit côté Spider-Man qui est pas mal le fun. Donc, on résume. Forcez-vous sur le live, bande de... Ouais. Bon, c'est la... Merci, salut les gars, c'était le fun de venir voir. Merci, Danny. On t'écoute du lundi au jeudi entre 11h et 13h dans le Dîner de con et à très bientôt dans Cyanix. Moi, je vous écoute, là, tantôt. Là, tu t'en vas nous écouter? Colin, il va falloir qu'on soit bon, par exemple, ça va être dur, hein? Et j'imagine, Mathieu, que la chronique qu'on vient de faire va se retrouver jeudi prochain. T'as fait deviner, oui. Dans l'émission CNX.zip. C'est jeudi, bye, Danny. Jeudi à 10h, c'est à CNX.zip où il va y avoir toutes les nombreuses chroniques de CNX. Ça doit être celle-là. Parfait, donc on écoute ça jeudi. Pour l'instant, on fait une pause, mais tout de suite après, on va parler un peu de nouveautés CD et Émilie s'en vient aussi bientôt. Ah! Rassemblage qui pour toi aujourd'hui? Pour 89 fois. Radio Musica. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Fever of the Time par Zeus. C'est ça que tu voulais que je dise, hein, je savais, je t'ai vu venir. C'est un extrait du palmarès anglophone de C'est fou. Excellent palmarès, comme toujours, qui va être diffusé demain, mercredi, entre 13h et 15h en version anglophone, et jeudi en francophone, même heure, là, 13h à 15h, et c'est rediffusé les vendredis à 17h. Donc soyez à l'écoute, en général, de C'est fou, et puis vous allez syntoniser les palmarès une fois de temps en temps, de moment donné, là. Hein? Tu sais, pas obligé d'être là juste pour les palmarès, là. Il y a d'autres émissions aussi. Il y en a plein d'excellentes émissions sur les ondes de C'est fou. On peut les compter sur les doigts de plusieurs mains et pieds de plusieurs personnes. Combien tu penses de personnes ça prendrait? Ça pourrait être un concours pour gagner quelque chose à un moment donné, ça? Hein? Sur combien de doigts et de mains? Ça pourrait aussi apporter... c'est comme une porte ouverte facile vers des jeux faciles négatifs. C'est très mal exprimé, là, mais... Oui, hein, ben c'est quasiment mieux que ce que j'ai dit avant. C'est facile de faire des jeux de mots négatifs à propos de doigts de main et de... En tout cas, bref. Et de où les mettre. C'était vraiment pas une bonne idée de parler de ça, Mathieu. De mettre le pied là-dedans. Mettre le pied là-dedans. Avant de parler de nouveaux TCD, parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, cette semaine, ça sera pas très long. Au début de l'émission, on a parlé qu'on avait peut-être trouvé un nom pour les auditeurs de C'est fou. En fait, c'est des suggestions que tu as reçues, parce que ça fait plus qu'une semaine déjà là, qu'on demande la sollicitation des... on demande la sollicitation. Ouais, là, c'est ça. On sollicite les auditeurs pour nous trouver, pour se trouver, en fait, à eux un nom, parce que... Caroline, qu'est-ce que j'ai de la misère. Hein? Mais non, mais finalement, au bout de la ligne, c'est quand même clair. Là. C'est clair, oui, ouais, c'est français et tout. Là. C'est les prénoms. Bon, donc, expliquons aux gens. C'est tellement mieux quand toi, tu fais des jeux de mots de prénoms de femmes d'âge mûr. Mais c'est pas fait ma tante, ça, là. Ma tante Claire, là. Hein? S'il te plaît. Donc, on explique depuis le début de la session, en fait, et même là, depuis une semaine à peu près, de façon vraiment intense, on vous demande à vous, les auditeurs à la maison, les gens qui écoutaient, ou dans l'auto, qui écoutaient Assemblage Rocky, on veut vous donner un petit nom affectif. Hein? Vous pouvez écouter chez eux aussi, les gens qui nous écoutent sur Internet, sûrement. Tout à fait, sur votre iPod, parce que les produits Apple n'ont pas de radio, eux autres, la plupart. Bon. Bref, on veut vous trouver un nom, un petit nom cute, un petit nom affectif. Donc, on a reçu des courriels de plein de gens. Les autres aussi, on les compte sur au moins le doigt de personne infirme. Sur le doigt de ton index. Donc, c'est ça. On a reçu des messages. J'en ai reçu des très, très bons. J'en ai gardé quelques-uns de côté pour pouvoir les lire en ondes. Donc, on a reçu un message, entre autres, de quelqu'un. Étienne. Appelons-le Étienne, parce que c'est son nom. Hein? Il nous dit, « Je vis au Québec, donc je suis Québécois. Hein? Je suis... j'ai une... Donc, je suis un garçon. J'aime le jambon dans mon bedon. J'écoute Assemblage Requis. Donc, je suis un débolté. » Lui, il nous a dit un débolté. Je trouvais ça super bon. C'est un très, très bon nom. Les débolté. Débolté. Débolté. C'est bon. C'est très bon. Hein? Bon, tu sais, il nous dit... il est très fin. Il nous dit... il me manque une coupe de bold. J'espère en retrouver quelques-unes dans votre émission, les Rod. Ils nous appellent les Rod. Trop cool. On pourrait s'appeler les Rod. Ça en pense, les Rod. Ah, je trouve ça très drôle. C'est hot, c'est très Mais moi, le mien. On salue Étienne, tu es à l'écoute, t'es à la maison. Salut Étienne. Un autre que j'ai reçu que j'ai vraiment aimé, celui-là, c'est vraiment mon préféré parce que tu te rappelles dans le temps de l'émission Respecte les Dauphins que t'animais. Oui. C'est l'émission du retour. T'avais tes auditeurs, c'est les Dauphins. Oui. Bon, tu connais les palmarès, c'est fou, on a les palmiers. Hein? Là, il y a comme un thème tropical ici. Là. Et voilà. Donc, on s'était dit que Assemblage Requis, les requins. Une très bonne idée. Mais à date, c'est la meilleure qu'on a. Oui. Sans offense pour Étienne. Non, absolument pas. Étienne, on l'aime beaucoup et on l'apprécie énormément. Donc, débolté, requin. Et puis, il y avait Assembleur qu'on avait eu aussi. On avait Assembleux. On avait les constructeurs. On avait les syndiqués de la construction. Rambo. Rambo. Tout à fait. Les poissons aussi. On a eu les... c'est quoi le avec un marteau? Là? Les marteleurs. Les Martins. Ça, c'est plus moi qui l'ai dit. Ça n'a pas rapport, mais... Moi, surtout qu'il n'y a personne qui s'appelle Martin. Je connais aucun Martin, moi. Non, mais c'est comme la chanson des trois accords, là, genre... Je dirais peut-être... Si on s'appelait peut-être les Francis Martin, là, ça serait mieux. Ben oui. Il n'y a pas un nouveau nom, lui? Ouais, c'est... Ben non, il y a deux nouveaux noms. En fait, il est devenu James Cayfield, et puis là, il est devenu quelque chose d'autre, là, genre... Jimmy. Je sais plus trop, mais... Non, mais les Francis Martin, je trouve ça bien quand même, oui, okay, pour les auditeurs d'Assemblage. Ben, c'est vendu. Ben, date, on a deux suggestions, pas pire, là. On en a trois. On a les débolletés, on a les Francis Martin et les requins. Les requins. On pourrait peut-être faire un genre de référendum, un genre de sondage, à savoir parmi ces trois-là, lequel les gens aiment le mieux. C'est ça. Tu sais, là, au moins, on vous demande une question qui vous demande pas de débourser plus d'argent, genre augmenter la cotisation. Non, c'est ça. Ben ça simple. Vous engage à rien, là. C'est ça. Il n'y a même pas de petits caractères en bas du contrat. C'est tout. Rien du tout. Non. Non. Bon, donc voilà, décidé, allez sur assemblagerequis.com et allez voter! Il n'y a pas de vote du tout sur assemblagerequis.com, par exemple. Bon. Allez voter sur blablabla.com. Allez voter pour le palmarès aussi. C'est ça, allez, ouais. Allez voter pour plein d'affaires qui n'ont pas vraiment lieu d'être sur assemblagerequis.com. On vous tiendra au courant. Hein? Non, mais trouves-tu que c'est une bonne idée, laisser les gens choisir entre les trois options? Du tout. OK, c'est bon. Donc, on va passer aux nouveautés CD de la semaine. Oui. Si tu le veux bien. J'aimerais ça. Il y a quelques trucs qui il y a des grosses sorties, disons. En fait, il y a Melissa Avdermar, l'album est disponible en magasin cette semaine. J'en avais parlé il y a quelques semaines parce qu'il était disponible en ligne, je pense, il y a deux semaines. Il y a aussi Akhenaton pour les fans de hip-hop. C'est quand même une grosse sortie, qui est un membre du collectif dont j'ai oublié le nom. Tu sais de quoi je parle? Akhenaton. Évidemment. Oui. Ouais. Aussi Slash qui sort un album solo. Baroblique! Slash Baroblique vers l'avant ou vers l'arrière? Ouais, ouais. Et très, très bonne blague, Mathieu. Merci. Félicitations. Ça fait plaisir. Bon, mais Slash de Guns N' Roses. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Pas si, je pense qu'il fait plus partie d'ailleurs de. Non. Mais bref, comme tu peux voir, beaucoup de trucs pas très intéressants qui sortent cette semaine. Ouais. Mais parmi ce qui a retenu mon attention, c'est dommage parce que c'est sûr que je pourrais pas prononcer le nom correctement. Je vais me risquer en disant Yonsi. Yonsi? Ça s'écrit... ben c'est parce que c'est du c'est de l'islandais. Ah, comme je sais pas si ton York. Je sais pas si ton islandais est à date, toi, mais moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai perdu mes notions d'islandais. Comment c'est écrit? J-O accent aigu. J-O accent aigu, bien sûr, oui. N-S-I. N-S-I. Aucune idée. Merci. Mais je l'ai noté au moins. Merci pour ton conseil, Mathieu. C'est très plaisir. Gentil. Donc, Yonsi, en fait, de son nom complet, Yonsi Bergensen, c'est plus facile à dire un peu son nom de famille, je trouve, qui est en fait le chanteur de Sigur Rós. Tu connais le groupe Sigur Rós? Du tout. Non, pour vrai, OK. Ben, j'ai déjà entendu le nom, mais non. Qui est probablement après Björk, le groupe ou l'artiste islandais le plus connu. Moi, je connais Sigur Rós, mais je vais t'avouer bien honnêtement que malgré qu'il y ait un engouement à travers le monde pour Sigur Rós, moi, Sigur Rós, j'aime pas tant ça. Baisse-moi le volume, s'il te plaît, Kiwan, du fond, et puis monte mon micro au max. OK? Ça va, c'est? OK, attends un peu, oui, je peux faire ça. Yonsi. Là-dessus? Ah, OK, donc ce serait Yonsi. Yonsi. Parfait. Bien, hein? Fait plaisir. Donc ça, c'est quoi, c'est ton traducteur de poche? Non, c'est ça. J'ai une personne qui est dans le coin de la pièce en tout temps et qui attend de faire traduire l'islandais. Ben, c'est la personne qui aussi fait les ID dans les pubs. Oui, c'est pour ça. Francis Martin, c'est lui. Et ici, live. Ouais. Ouais. Donc bref, c'est le chanteur principal du groupe Sigur Rós, donc Yonsi Bergensen. Yonsi, selon ton traducteur. Yonsi. Donc c'est le chanteur principal. Si t'as déjà vu, mais étant donné que tu connais pas Sigur Rós, je m'adresserai pas à toi, mais si les gens ont déjà vu Sigur Rós, c'est celui qui joue de la guitare avec un archet souvent dans le groupe. C'est le chanteur principal, bref. Et il y a aussi eu d'autres projets par le passé, d'autres projets en dehors de Sigur Rós, dont entre autres Yonsi et Alex, tout simplement. Ça s'appelait comme ça. Attends, je vais chercher la prononciation. Ouais, Alex, c'est un petit peu moins compliqué à dire. Je prends Alex. Peut-être qu'en islandais, ça se dit... Alex se dit peut-être genre Jean-Marc ou je sais pas. C'est ça. Mais bref, c'est ça. Il y a déjà eu ce duo-là qui était en fait un genre de duo de couple, Yonsi et Alex. Et là, maintenant, il y a son projet solo. C'est son premier album solo, vraiment seulement lui, Yonsi Bergensen, avec son album qui s'appelle Go. Et d'ailleurs, je parlais de Sigur Rós tantôt, et puis là, avec tous les projets extérieurs au groupe, apparemment, là, on ne sait plus trop si ça existe encore, Sigur Rós. Dépendamment des sources, certaines personnes disent que ça n'existe plus, d'autres disent qu'ils sont en break, d'autres disent qu'il y a un prochain album qui s'en vient, parce qu'effectivement, il y avait un album qui avait été annoncé pour sortir, je pense, en 2010. En tout cas, selon certaines sources, l'album serait annulé et le tout serait sur la glace pour le groupe en tant que tel, Sigur Rós. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'album Go de Yonsi Bergensen sort. Il est sorti, là. Sorti. Il s'est échappé. Il a été relâché. Et à côté son, ça ressemble, il y a quand même certaines similitudes dans les sonorités avec Sigur Rós, mais c'est beaucoup plus, beaucoup mieux construit, en fait, parce que Sigur Rós, c'est souvent très instrumental, c'est lyrique un peu, puis c'est vraiment des envolées très lentes, c'est planant au bout. Mais c'est un petit peu plus, ça a un son un peu plus catchy, là, le plus son de Yonsi, ouais, un peu plus pop, effectivement. Mais quand même, on peut quand même voir les origines, là, les origines islandaises et vikings de Yonsi. Ouais. Donc, on va écouter tout de suite la pièce Go Do, qui doit être, j'imagine, un genre de pièce titre de l'album, puisque l'album s'appelle Go. Uh-huh. Donc, on va l'écouter tout de suite. Mathieu, si tu veux bien, à moins que tu aies autre chose à ajouter. Non, si je dis autre chose, ça va être sûrement n'importe quoi, fait que je vais me retenir. Bon, mais c'est une bonne chose, ça, pour une fois. Mais tu m'entends faire une envolée lyrique dans la face, moi. Hein? Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut rien dire, finalement. Tu vois, j'aurais pas dû parler. que c'est soit Godot ou Goudou ou Gao Dao. Ou God, God. God Michet. God Michet, peut-être. C'est peut-être. Peut-être. Mais moi, je dirais quand même Godou, probablement, parce que. Ça a du sens en anglais. Ouais, c'est ça. Puis les paroles sont quand même en anglais. Hein, donc. Donc, c'était l'artiste Yonsi de son album Go, qui est disponible depuis aujourd'hui. Et vous avez entendu la pièce Go Do. Ben oui, Go Do. Et c'est vraiment ce qu'il y avait de. Ben, c'est excellent, mais c'est aussi ce qu'il y avait. C'est tout ce qu'il y avait de bon, en fait, aujourd'hui. C'est tout. C'est sorti. Ouais. OK. Pas mal. Ça. D'autres noms qui sont pas bons? Non, là, c'est, non? La, c'est assez. Là, ben, okay. Non, mais OK, si t'insistes. Le bashing. Steve Veilleux. Steve. Je connais pas. Non, OK. J'aurais pu faire comme. Mais je connais pas. Non, c'est le chanteur de Karin. Ah! Je m'étais dit que je parlerais vraiment pas de ça aujourd'hui, puis tu m'en fais parler. Mais je te force, moi, des fois, tu sais, c'est ça, quand il faut que je te torde la bras à mon année, là, hein? Hein? À qui tu m'as dit que je ressemblais quand je parlais de même, toi? Des fois, je trouve que ta voix ressemble à celle de René Richard Cyr. OK. Je sais pas si. Compliment, non, hein? Ben oui. Ben oui. T'es un très grand metteur en scène. Si un jour tu rêves d'être metteur en scène, ben sache que t'as déjà un bout de fait parce que ta voix ressemble à. On la radio, va... On va faire une pause tout de suite et Émilie s'en vient dans pas long. OK. Restez là, là. Ben oui, s'il vous plaît, là, partez pas, là. Ressemble à qui pour toi aujourd'hui? Le meilleur est à venir. Vous êtes à C'est Fou 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes à C'est Fou. Bon retour les requins! Bienvenue à la deuxième heure d'Assemblage Requis avec Kiwan et Mathieu. Donc là, t'as décidé que c'était les requins finalement? Non, pas encore. Ah, ok, c'est bon. On fait des c'est tests. C'est mon préféré, là. On les essaye comme ça. Attends, repars le thème. Ferme le thème, rouvre le thème. Repars le thème. C'est un peu long. Et bon retour les déboltés! C'est la deuxième heure d'Assemblage Requis avec Kiwan et Mathieu. Ça marche-tu ça? Ça marche un peu moins. Hein. Mais c'était quoi l'autre? On avait d'autres? On avait requin. Non, okay. les Français. Ben oui, OK. Et bon retour, les Francis Martin. C'est la deuxième heure d'assemblage requis. Ça marche au bout, hein? Ouais, j'aime ça. Ouais, c'est sûr que ça coule moins dans l'oreille, mais ouais, j'aime ça quand même. Ouais, ben faut un petit peu l'expliquer. Ben pas vraiment, finalement. Ben c'est dur à expliquer, étant donné qu'il n'y a absolument aucune explication. Mais moi, en tout cas, personnellement, ça serait mon choix, les Francis Martin. OK, moi, ça serait vraiment les requins. Donc là, il va falloir se battre un peu. OK. Il va falloir demander à nos amis connaissants. Ouais, c'est ça. On va y aller avec un vote, je pense. Un vote du public. Ouais, je pense qu'il va falloir faire ça. OK. Dans quelques minutes, Émilie Gauthier va se joindre à nous et elle va parler. Ouais, ben on va prendre son vote en considération. Ouais, ouais. C'est important. Mais son vote. Pas juste le sien. Il va falloir vraiment consulter tout le monde. Il va falloir faire une consultation publique. Peut-être une assemblée. Non? Le quorum va être à combien, tu penses, pour ça? Est-ce qu'on compte seulement les membres de l'équipe ou tout le monde, toute la population en général? C'est plus compliqué. Mais bref, Émilie va être là dans quelques minutes. Elle va nous parler, je crois, de sleeping bag. Oui, hein? Sleeping bag. Okay. Les sacs de couchage, comme on dit. Comme on dit, c'est ça. Comme on dit, oui, on dit ça beaucoup. Les Francis Martin aiment ça dire ça. On le dit tout le temps. C'est ça. Ça n'a aucun sens. Pour l'instant, on va aller écouter un peu de Mimi Van Der Glo. Est-ce que tu aurais une suggestion à nous faire, Mathieu? De l'art au chocolat, hein? Ben, c'est parfait. Je vais te faire jouer aussi. Non, attends, fais jouer Karting Chrétien. Karting Chrétien. Okay, Karting Chrétien. Karting Chrétien. Mais Karting Chrétien. Ouais, écoute. Mais Karting Chrétien. Wow. Pire émission! Bon, mais on aime ça de même! Champion tout le temps. rencontré une fille dans le pit stop. Je l'emmènerai faire un tour dans mon car, mais y'a rien qu'une place. J'ai rencontré la fille dans le pit stop. J'ai fait l'amour sur le bureau du boss pendant son absence. Ah ouais, il vole des ailes, des crayons, la brocheuse et puis le cendrier en forme de croix. On a mangé un cornet, je lui ai demandé son nom. Je m'appelle Marie Castrol, je suis la fille de ton. Je suis toujours is there. Très religieuse, hein, de caféine. Gloria. Ok, ouais, c'est très religieux, hein. Oh oui. La verge dans le vent, là. Verge dans le vent. Non, mais c'est ça qu'il dit. Ouais, hein. Eh hey, oui, verge dans le vent, verge dans le vent. Ça dit quoi, ça? Ça te fait penser à plein air. C'est ça. C'est ça. Ah, salut, Mélie Gauthier. Allô? Salut, ça va? Ouais, ça va. Pas très dans le vent aujourd'hui, toi? Non. Un petit peu grippette. Un petit peu? On verra bien ce que ça va donner. C'est pas grave, parce qu'on parle de quelque chose qui va vraiment t'enlever tout symptôme de grippette, hein? Ah oui, les sacs de couchage, voilà, bien m'abrier, j'aurais pas eu la grippe. Tout, c'est ça! Caroline. Voilà. Ça, c'est un pas mal meilleur lien que ce que j'ai fait. On fait des très beaux liens. T'es pas pimpant toute là-dedans, toi. Ouais, je vois ça. Donc, aujourd'hui, tu nous parles de comment quoi choisir son sac de couchage, ouais. Comment l'utiliser. Un petit peu sur le même principe. Comment zipper deux ensemble. Ouais, pour Mathieu, il va falloir expliquer comment l'ouvrir et le refermer, peut-être. Ouais. Comment entrer à l'intérieur. Ça, je pourrais te faire peut-être une chronique plus spéciale juste pour toi, maintenant. Pas à la radio. Non. Une démonstration. Oui. Parce que, ouais, j'ai réalisé pas longtemps que les activités d'hiver se sont abrégées un peu plus tôt que prévu, puis les activités d'été commencent toutes au mois de mai, début mai. Fait que jusqu'à la fin de la session, je peux pas vraiment vous parler, à moins que je puisse vous parler à l'avance de quoi faire cet été, mais en même temps, vous en souviendrez peut-être plus d'ici là. Ben non, c'est ça. Hey, mais on croirait qu'il y a vraiment plus rien à faire d'hivernal, là, même s'il y a encore là, quelques stations de ski alpin qui sont ouvertes, là, mais en fin de semaine, je suis allé au parc de la Mauricie. Ici, là, le parc de la Mauricie, dans la Mauricie. En Mauricie, là, ah ouais. Celui qui est dans la Mauricie, qui est proche de Trois-Rivières. Pas celui de Chicoutimi, là. Non, vraiment non. Pas. Puis moi, j'étais allé pour faire la randonnée parce que je me suis dit, bah, là, il fait tellement beau, les sentiers doivent quand même être un peu dégagés. Je m'attendais à ce que dans le bois, il y ait encore de la neige. Je me suis dit, ah, je vais prendre les grosses routes, là, puis il y aura plus de neige. Mais non seulement il y avait encore beaucoup de neige, mais il y avait encore des skieurs de fond. Oh! Oh, et ça, c'est clair qu'il y en a. Puis il y a des stations de ski, il y en a qui vont fermer mi-mai. Mais c'est juste que. Pour le grand public, mettons que c'est plus très intéressant d'aller faire du ski de fond dans des conditions comme ça. Je pensais vraiment pas qu'il y avait encore du monde qui faisait du ski de fond. C'est mordu. En t-shirt, pas en shirt. Ouais, samedi, la piste cyclable était remplie de monde en vélo puis en rollerblade. Puis en même temps, ben, dans le parc, t'avais du monde en ski de fond. Très bizarre. Wow. C'est parce qu'il n'y a pas tant de neige non plus pour faire du ski de fond. Il faut que tu évites les spots. C'est la même chose pour le ski alpin. Là, c'est du ski de printemps. C'est que c'est pas pour des débutants. Là, c'est vraiment pour du monde qui aime faire ça et qui veut en faire une dernière fois avant l'hiver. En maillot de bain, c'est toujours le fun. Ouais. Hein? Ouais. Faire du ski, non, je sais pas. Oui. Il y en a qui le font. Oui. Sûrement. Fait que, dans le fond, j'ai décidé de continuer encore mon thème camping et comment bien choisir son équipement. Il y a 2-3 semaines, c'était comment camper l'hiver. La semaine passée, c'était comment choisir un sac à dos. Là, cette semaine, c'est comment choisir un sac de couchage. Un sac de couchage! Puis la semaine prochaine, ça va être comment choisir une tente. Fait qu'on on reste dans le... OK. Dans la tente, ces petits abris où est-ce qu'on peut dormir. Mm-hmm. Hein, Mathieu? Ouais, ben, je suis pas sûr encore de comprendre ça, moi. Je t'expliquerai la semaine prochaine. On a beau me le dire tout le temps. Non, pas On sûr. T'expliquera comme il faut la semaine prochaine. Donc, sac de couchage aujourd'hui. Ben qu'on soit adepte de camping d'été ou d'hiver, il y a un sac de couchage qui correspond un peu à toutes les sortes de camping. Il y a trois grands points à considérer quand on choisit un sac. La zone de confort, c'est la capacité du sac de couchage à résister à différentes températures. Souvent, c'est entre telle et telle ou jusqu'à moins quelques degrés. Il y a le type d'isolant, donc est-ce que c'est synthétique ou du duvet? Puis la construction du sac. C'est vraiment les trois choses à considérer selon le budget, selon le type de température qu'on s'en va affronter. La zone de confort, il y a grandes zones. Il y a, pour l'été, c'est des températures au-dessus du point de congélation. Il y a trois saisons qui vont jusqu'à moins 10. Puis sacs d'hiver qui peuvent dormir au chaud jusqu'à environ moins 40. Donc là, littéralement, il faut changer de sac de couchage dépendant de la période de l'année, un peu comme les pneus. Oui. Bon. Mais c'est pour ça, les trois saisons, ils s'utilisent l'été, mais dézippés, disons. Puis l'hiver, une journée qui fait pas trop froid non plus. Une grosse journée d'hiver, faut aller chercher quelque chose de plus ou un isolant qu'on rajoute à l'intérieur. Ouais. Mais pour vraiment être confortable, on est mieux d'avoir complètement un d'été puis un d'hiver puis mélanger après ça. Pour être confortable. C'est vraiment des zones de confort. On peut dormir avec un moins 40 l'été, c'est juste que ça sera pas confortable. Mais ça dépend aussi de la tolérance au froid de chaque personne. C'est ça. Il y a aussi une catégorie 4 saisons qui existe pour les entre moins 15 et moins 20, mais c'est un petit peu trop chaud pour être utilisé l'été. Donc, c'est peut-être plus inclus dans du 3 saisons que du 4 saisons. OK. Ça existe pourquoi dans ce cas-là? C'est ça que je comprends pas. Mais comment ça se fait qu'ils font les 4 saisons si c'est pour pas être utilisé? C'est du marketing. Ben, aussi, puis c'est encore une fois tolérance au froid de chaque personne. Oui. Il y en a qui vont être capables d'utiliser 4 saisons, comme il y en a qui ça va être. Mais en même temps, si tu peux pas l'essayer avant ton sac de couchage, comment tu vas savoir si t'es capable de supporter ça, tu sais? Ben, en même temps, tu sais si toi, quand il fait moins 10 dehors, tu mets un petit manteau de printemps ou si tu mets ton gros manteau d'hiver, 3 foulards puis 2 mitaines. On fait char pas, fait. C'est ça. Ouais. Bon. C'est un peu la connaissance personnelle de chacun qui va faire qu'on détermine notre achat. Pour bien choisir son sac, il faut envisager tous les scénarios possibles d'utilisation au cours d'une année. Donc, on va pouvoir évaluer l'indice de chaleur qui correspond le plus à la réalité de qu'est-ce qu'on veut faire. On doit considérer son métabolisme, son type de diète, sa tolérance au froid pour finalement arriver au type de sac. Donc, une personne frileuse va avoir avantage de choisir un sac qui va jusqu'à moins 40 si elle prévoit pas l'utiliser dans du 10, mettons. Voilà. C'est pas très clair, j'ai l'impression, mais... Non, on suit. On suit? OK, bon. Après ça, il y a l'isolant qu'il faut choisir. La qualité d'un isolant se mesure à sa capacité de retenir de l'air. C'est un peu comme des manteaux d'hiver, comme un manteau qui est à 200 de duvet va moins bien se compresser, donc va moins bien retenir qu'un manteau qui est à 700, ça va être des plus petites plumes de plus petite qualité, donc il va retenir plus de chaleur. C'est un peu comme une couverture, là, tu sais, avec le nombre de comment t'appelles ça, les fils, Oui, c'est ça. C'est l'équivalent, c'est un ça. Peu, ouais. Fait que la qualité d'un isolant se mesure à sa capacité de retenir de l'air, parce que l'air, c'est pas un bon conducteur thermique. Donc, plus qu'il y a de l'air qui peut être mis dans l'espace, plus que ça va être isolant. Ça a l'air. Oui, c'est ça. Ça va pouvoir résister à des plus basses températures. Il y a plusieurs isolants synthétiques qui sont de plus en plus performants, mais le duvet reste quand même le meilleur isolant. C'est qu'est-ce qui est le plus chaud et le plus confortable pour un sac de couchage. En plus, le sac de duvet, il est plus facile à comprimer, donc il prend moins de place, il facilite le transport, puis il laisse plus d'espace quand on part en randonnée dans un sac à dos, il laisse beaucoup plus d'espace. Par contre, le duvet, il y a quelques inconvénients, il perd sa capacité à emprisonner la chaleur quand il est humide ou détrempé. Donc, parce que les plumes, dans le fond, s'écrasent, puis ça perd beaucoup de sa capacité. C'est difficile à faire sécher, puis c'est pas conseillé pour les personnes qui ont des allergies. Ben non, c'est ça, j'allais dire. Les allergies, ça peut être assez intense quand tu parles de petit duvet, là. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'il y a des isolants synthétiques qui sont de plus en plus performants, ouais. Qui reviennent quasiment à la même chose. Puis aussi, duvet, c'est un peu plus. L'achat est plus élevé parce que c'est des produits naturels au lieu du synthétique. Les petits canards, c'est quoi les petits duvets qu'il y a là-dedans, sais-tu? Non. Quelle sorte d'animal est-ce qu'on a tué pour faire ça? C'est pas. Tout écrit sur le sac. Ça doit dépendre d'une compagnie à l'autre. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment s'abrier avec des canards? Sinon, au pire, mettons qu'on n'a pas de sac de couchage. Mettons que tu fais l'élevage de canards. C'est ça. Ou... Petite miette de pain sur ton corps partout avec du miel, quelque chose de genre. Peut-être. T'essaieras. OK. Tu me donneras des nouvelles. C'est noté. Les isolants synthétiques, par contre, sont plus lourds. C'est pas énorme comme différence, mais ça fait quand même une différence. Quelqu'un qui peut en randonner 10 jours, il va s'en rendre compte. Sont moins faciles à comprimer puis moins durables que le duvet, mais ils sont moins coûteux. Ils absorbent moins bien l'eau, donc ils conservent plus facilement leur indice de chaleur s'ils sont humides. Donc, aussi, ils sont moins sujets à la moisissure parce qu'ils absorbent moins bien l'eau puis ça sèche mieux. Ensuite, la construction. Il y a 3 types de sacs de couchage. Il y a un type momie. OK, momie. Oui. Ça s'appelle comme ça parce que ça a vraiment l'air d'un momie. C'est un sac qui va vraiment épouser la forme du corps. Il y a comme un capuchon dessus de la tête. Okay. Donc, c'est rond dessus puis ça va être plus cintré aux chevilles. Fait que ça fait vraiment comme une forme de sarcophage. Tu peux pas bouger du tout là-dedans. Bien, quelqu'un qui, surtout l'hiver, c'est vraiment très pratique parce que ça garde vraiment toute la chaleur proche okay. de toi. T'as pas d'espace où est-ce que tu peux perdre ta chaleur. Snuggie a pas encore sorti de sac de couchage. Hein? Avec des bras pis tout. Ouais, non. Je sais pas, mais en fait, un Snuggie, ça peut peut-être être utilisé en guise de sac de couchage. Ben oui, c'est ça. Ou plusieurs Snuggies un par-dessus l'autre. Là. Ouais. Tu mets plusieurs couleurs, puis tu finis par celui qui ressemble à un zeb. Là, t'as vraiment de la classe avec ça. Ouais. Hein? On essaiera. C'est ça. C'est plus froid pour les pieds un peu, par contre. Ah, oui, ah, ils vont sortir un avec des pieds. Ça prend donné. Des bonnes chaussettes. C'est des chaussettes. Des chaussettes Snuggie, ça serait bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est plus cintré aux chevilles et aux pieds. Fait que ça permet de conserver mieux la chaleur. C'est plus léger, ça prend moins de place. Mais il y a certaines personnes qui le trouvent trop ajusté, étant donné que la forme commence à rétrécir au niveau des hanches. Donc, quelqu'un qui est un peu plus grand, un peu plus large, va trouver que c'est un petit peu trop. C'est fessier. Sinon, moi, je trouve que quelqu'un de claustrophobe serait certainement pas capable de porter ça. Ben, c'est pour ça qu'il y a comme le type baril ou semi-rectangulaire. C'est comme un compromis, quelqu'un qui veut pas se sentir trop à l'étroit dans le type momie sans sacrifier le pouvoir isolant d'un sac de couchage en allant avec un type rectangulaire avec lequel on va faire du camping chez des amis. Mm-hmm. Par exemple, il prend un peu plus de place et un petit peu plus lourd que le sac momie, mais ça garde quand même... Il est comme pas carré, mais pas momie. Il y a un capuchon, par exemple. C'est un entre-deux, donc. C'est vraiment un entre-deux entre le sac carré avec le petit zip sur le côté puis le sac momie en forme. C'est un semi-momie. C'est un semi-momie. Semi-momie. Ben ouais, mais c'est comme ça que ça s'appelle dans l'industrie. Ben, c'est un semi-rectangulaire. Là, désolé. Je voulais pas péter votre gueule. Non, c'est un peu ça, hein, par exemple. Sinon, il y a le type rectangulaire qu'on doit tous en avoir 2-3 dans le fond de notre sol qui est en Mathieu. Oui, très ben lourd, oui. Très volumineux, qu'on attachait avec 2 élastiques chaque bord. Ben oui. C'est un... Ou pas, encore. Ou qu'on laissait en moton dans le fond c'est, du garde-robe. Ben, c'est un peu ça, oui. C'est un type de sac qui plaît à tous ceux qui ont besoin de plus d'espace parce qu'on peut vraiment bouger. Construit vraiment très simplement, moins coûteux, mais pour... Il semble qu'il est plus avantageux de faire du camping d'été que du camping d'hiver parce que d'hiver, étant donné que c'est pas ajusté au niveau du cou des épaules, on perd toute la chaleur par le haut du sleeping bag. Donc, c'est plus conseillé, disons, 3 saisons au lieu de 4 saisons. Est-ce qu'on aurait pu l'appeler l'anti-mommy? C'est-à-dire le mommy, le semi-mommy, l'anti-mommy? Si tu veux. OK. Tu iras magasiner des sleeping puis tu te diras que je veux un anti-mommy. Ah, ouais. Ouais. Une fois qu'on a choisi la forme du sac, on doit spécifier notre choix en choisissant la coquille extérieure. Il y a 3 fonctions. Garder l'isolant en place, servir d'écran contre le vent et permettre à la transpiration interne de s'échapper. Très souvent, la coquille est fabriquée en nylon ou en taffeta. Taffeta? Je sais pas exactement c'est taffeta. Quoi. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Je trouvais juste le nom très, très drôle. Sinon, le nylon est vraiment léger. Il doit être assez serré. Faut prendre le temps de le regarder avant de l'acheter pour éviter que l'isolant s'accumule dans un coin du sac, ce qui va minimiser l'infiltration du vent. Tu veux savoir c'est quoi taffeta? Oui. C'est un style de tissu fabriqué à partir de soie et de fibres synthétiques. Voilà. Apparemment. C'est pas mal un équivalent de nylon d'abord. Ben oui. D'accord. Sinon, la doublure intérieure, elle doit pouvoir respirer et permettre à l'humidité de s'évacuer. Donc, le coton, c'est un des tissus qui respire le moins. Donc, c'est vraiment pas recommandé pour un intérieur de sleeping bag. J'ai l'impression de magasiner pour des bas quand tu me parles comme ça, par exemple. C'est vrai? Ben, non, mais pas vrai. Non, mais ça se ressemble. Ça a les mêmes propriétés. Les tissus ont les mêmes propriétés. On parle d'humidité. De... Donc, tu me suggérais quelle sorte de bas, vite de même? Laine de Mérino. Hein? OK, là, par exemple, je l'ai pas vu venir, celle-là. La laine de Mérino? Oui. Oui. C'est pas la cousine d'Elisabeth Mérino? Non, laine de Mérino, c'est un mouton qui vient d'Australie, Nouvelle-Zélande. Et c'est le matériel qui respire le plus, je te dirais, sur le marché présentement. Même si t'as un gros bas en laine de Mirno puis il fait 30 dehors, tu vas pas transpirer. Même pour de tous les jours, là. Oh oui. J'aime porter ça comme dans la vie. Ouais, mais il y en a qui sont faites minces, on dirait un bas de coton, sauf que c'est vraiment le matériel. C'est souvent environ 75% de laine de Mirno, le reste, c'est d'autres composés. Et ça fait vraiment une grosse différence. C'est chaud pour l'hiver aussi? Oui, il y a différentes épaisseurs. Il y a vraiment des gros bas, comme il y a des petits bas minces. Ça a l'air, tu sais, chez Ardennes, là, les petits bas à 5 pour 10 piastres, ça a l'air exactement la même chose, sauf au toucher, c'est un petit peu différent. Puis l'hiver, ça fait vraiment une grosse différence quand on va chercher un bon bas aussi. Chronique beaucoup... dans deux semaines sur les bas? Non, c'est un petit peu trop chaud pour ça. Mais il y a beaucoup de bas de ski qui ont une petite partie composée là-dedans. Donc, vous savez, à peu près un bas de ski, ça garde assez chaud. Donc, voilà. Bon, revenons sur notre droit chemin des sacs de couchage. Oui. Pour éviter aussi que le froid s'infiltre par les points de couture, les couches d'isolant doivent pas être cousues de bord en bord. Ça doit comme partir de l'isolant jusqu'à l'extérieur et de l'isolant jusqu'à l'intérieur pour pas que l'extérieur et le tissu extérieur et le tissu intérieur soient cousus ensemble pour que le vent puisse passer par les coutures et avoir froid. C'est ça, c'est comme des gaufres, là, tu sais. Tu mets pas entre les deux, sinon ça colle, hein. C'est ça. Puis pour ce qui est du duvet, là, on est mieux d'avoir des petits conduits qui vont être cousus ensemble pour éviter que le duvet se ramasse plus dans un mouton qu'un autre. C'est comme la même chose pour les manteaux d'hiver. Quand on les lave, on met une balle de tennis dans la sécheuse pour que le duvet se répartisse mieux dans le manteau. OK. Je prends des notes. Prends des notes, c'est toujours important. Il y a certains modèles qui offrent plus d'isolant là où est-ce que le corps perd plus de chaleur, donc à la tête et aux pieds. Idéalement, le sac de couchage devrait avoir c'est un genre de collet intérieur, si on veut. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un sac de randonnée. Souvent, il y a comme la capuche, si on veut, sur le dessus qui vient se clipper. Mais il y a aussi un petit cordon à l'intérieur qu'on peut refermer qui va venir comme protéger le sac en plus du top. Mais il devrait avoir ça aussi sur les sleeping bags, donc au niveau des épaules, du cou. Avoir un genre de collet qu'on peut venir attacher qui va vraiment empêcher la chaleur de s'évacuer. Faut privilégier aussi les sacs qui sont conçus avec un petit ourlet protecteur isolé le long de la fermeture éclair. Il y a beaucoup de manteaux d'hiver qui ont ça. Okay. Ça reste souvent pogné dans le zipper. Ouais. Bon, c'est préférable d'avoir ça sur le sac de couchage aussi, côté vent, côté chaleur. Ça s'évacue moins. Un zip, on le sait, c'est assez aéré aussi. Sur ses pantalons aussi. Oui. C'est ça. Ça fait mal sinon. Ça veut pas prendre froid, ça prend un petit par-dessus la fermeture. C'est ça. C'est ça. Puis idéalement, ce petit ourlet devrait être cousu dans doublure et pas sur la coquille pour vraiment que ça protège l'intérieur. Mmh. Ourlet et coquille qui sont deux mots que je trouve plutôt bizarres. T'sais. La coquille, c'est la paroi extérieure. Oui. Et l'ourlet? L'ourlet, c'est la petite patente qui reste pas dans le zip. C'est ça. Enfin, la plupart des... Elle l'a dit, hein? Elle l'a dit. Non, mais vas-y, go. Essaye de me pogner pour voir. C'est correct, c'est correct. La plupart des fermetures éclair devraient être torsadées. On le voit souvent sur différents types de manteaux. Fabriquées en nylon parce que c'est plus léger, plus facile à manipuler et moins enclin à rester coincé, contrairement aux fermetures à dents. Ah, oui. Dedans. Côté longueur, tout dépendamment des intentions de l'acheteur, certaines personnes aiment avoir comme des vêtements, une gourde au bout du sac de couchage pour les conserver au chaud. Caroline, qui en demande des affaires le monde. Y a-tu un modèle qui a tout ce que tu as dit dans la chronique? Y en a-tu un? Oui. Qui a tout ça? Ben oui, y en a. Y en a beaucoup? Mais ça dépend vraiment, phrase de l'année, oui, des besoins de chacun. Ben c'est ça. Parce qu'il n'y a personne qui va vouloir tout ça dans le non, même. Non, mais comme un sac qui est plus long pour pouvoir conserver des vêtements, une gourde, c'est pour le camping d'hiver. Ouais. C'est, même souvent, il y a une gourde pleine et une gourde vide. Parce qu'en camping d'hiver, pendant la nuit, on n'a pas le goût de sortir. On non. boit et l'autre bouteille, pipi, ben oui, c'est ça. C'est ça. L'ourlet. Donc, oui. Pour l'ourlet. C'est ça. Fait qu'il faut vraiment... Il y en a des plus longs comme les personnes plus grandes et des personnes plus petites. Il y en a... Ça dépend vraiment aussi. Moi, je veux un sleeping bag, trois tiroirs, puis une commode, puis une petite lampe de chalet. Ça s'appelle une tente roulotte. Ah! Ça en prendrait un pour Stéphanie Gagné avec un bain tourbillon dedans. Oui, c'est ça, et trois divans. C'est possible, ouais. Aussi. Mais une chose est sûre... Oui, une chose est sûre, excuse-moi. Une chose est sûre, une chose là. Est sûre. Pour savoir si c'est le bon, là, ouais. C'est comme du linge, faut l'essayer. Ben oui. On l'ouvre puis on se couche dedans. Dans le magasin. Eh oui. T'as le droit de faire ça, ben oui. Oui. Ben oui. C'est très drôle. C'est ça. Puis si t'as besoin de voir si on rend deux personnes dedans, tu demandes à la vendeuse. Mm-hmm. Mais les sacs momies peuvent être zippés ensemble. Faut avoir un gauche puis un droite, par exemple, puis ça fait un cœur. Wow! Oh, Colin! Oh, c'est cute, là, par exemple. Oui. Oh. Oh. C'est ça. C'est ça. T'as-tu un forfait, genre deux sleeping bags, un repas puis une petite chambre d'hôtel? Non. Non. Parce que c'est une chambre d'hôtel, t'as pas besoin de sleeping bag. Ça dépend toujours du motel en question. Oui, c'est ça. De la propreté. Ouais. Propreté de ton ourlet. Donc, on retourne, on va aller entendre une pièce musicale pour couper ce bloc en deux. Ça va être une pièce très musicale. Très musicale. On va aller écouter, ça a rapport avec les sleeping bags. Vaguement, oui. Ben oui, on parlait de dormir ce soir. On va écouter Sleep Tonight de Stars. Calme. Tout de suite. C'est Dadon, ça? C'est Dadon, là? It's up the Dadon? Yes. Tu parles anglais, je sais. Sleep tonight, still young like that. I count the lines beside your mouth. It smiles now. My arms reach up as you go down. With buried heads, we both forget all of the past and its regret. Wind picks up, the window shakes. We won't hear the morning break. You will cry, and I will cry. On fait une pause et on revient avec la suite de la chronique de Émilie Gauthier. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Je l'avais dit qu'il y avait des chats. C'est une belle annonce. Ben, j'aime ça, moi. Mais oui. Ça m'a changé d'idée, ça m'a fait changer de tu sais, des ourlets. Là. On a des bien beaux commerciales ici à la station. Des beaux commerciales. Et Kiwan, il me demandait à quoi ça me faisait penser un ourlet, tu sais. Je disais, ben, c'est un animal forestier d'apparence déplaisante, tu sais. Là, c'est personne ne comprend, donc on voudrait que tu l'expliques. Un ourlet. Bravo. Oh! C'était pas sexuel, pardon. Je trouve ça très agile de ta part d'avoir mis ça comme sur mon dos. Donc, Kiwan veut savoir ce que ça, hein, tu sais. Ben, Kiwan, c'est le peuple. Hein? Très fort, très, très fort. Oui. Kiwan est représentant du peuple. Donc, on en revient au sac de couchage. On va revenir au sac de couchage. Ouais, il m'en reste plus beaucoup. C'est juste des petits conseils d'utilisation et d'entretien. Pas des conseils de maman? Non. Genre, non. Non. Conseil d'utilisation et d'entretien. utilisation pour améliorer le confort du sac, l'isolation et la protection contre le froid. C'est bien d'utiliser un matelas de sol qui va couper l'humidité. Sol. Tantôt, Kiwan me comparait à ça avec mes mauvais jeux de mots. Mm-hmm. Et c'était tout prévu. Ouais. Bien que ça augmente le poids des bagages, une doublure qui est placée à l'intérieur du sac de couchage va permettre de réduire les coûts d'entretien et d'augmenter la durée de vie du sac. Souvent, c'est très mince. Il y en a en soie, il y en a en coton, il y en a en plusieurs choses. Bon, le coton, on a dit que c'était pas l'idéal, mais... C'est pas winner. C'est pas winner, mais c'est juste... C'est vraiment super mince. C'est comme un petit sleeping bag, mais mince, là, en dessous et dessus. Puis c'est juste, c'est ça qui va absorber l'humidité. Donc, si on part 3-4 jours, 10 jours, mais si on peut le laver dans la rivière, on le fait sécher, le soir, on se recouche dedans, ça permet juste, dans le fond, au sleeping bag, comme tel, de pas absorber toute l'humidité. C'est vraiment ce petit doublure mince-là qui va... C'est une bonne idée, ça. Ouais. C'est comme mettre un sac déplacé dans ses souliers. Un petit peu, mais qui respire. Ça a juste l'air vraiment moins BS. Ouais. Ouais, un petit peu. Ouais. C'est plus pour ceux qui ont de la misère à faire leur nuit aussi, je pense. La douleur à l'intérieur. Comme un sac à poubelle sur un matelas. C'est, dans... ça, c'est ouais. Ça, c'est les problèmes d'incontinence. C'est ça. Ça, ça. Ça dépend. Dépend, ça. Les couches dépendent. Mais c'est soit la doubleur ou le sac pour mettre la gourde vide. C'est un des deux. Okay. Si vous n'avez pas de gourde, vous avez votre doublure, vous pouvez laisser aller. Puis ça... oui, je ne ferai pas de mauvais jeu de mots sur vider son ourlet. Donc, on continuait sur quoi déjà? Là, c'est l'entretien. L'entretien. Oui. Avant de remiser un sac de couchage, il est recommandé de le secouer et de l'aérer pour qu'il soit complètement sec, pas de traces d'humidité, sinon ça peut créer de la moisissure dans le sac, puis ça nous intéresse pas vraiment. Il est préférable, en fait, pas préférable, moi je dis que c'est quasiment essentiel, recommandé. Primordial. Oui, de pas remiser le sac dans son sac de compression de transport. C'est souvent un tout petit sac, puis ça va vraiment trop compresser la matière isolante. Mais ça vient avec, mais tu disais pas l'utiliser. Oui, ben non, mais quand que tu pars en camping, vas-y, ça prend moins de place, mais quand tu l'entreposes chez toi, laisse-le pas dans ce petit sac ultra compact qu'on réussit jamais à faire rentrer dedans, parce que justement, ça va vraiment trop compresser ta matière isolante, puis si elle reste trop longtemps dans le sac, trop compressée, ben quand tu vas le sortir, il va rester jammé. OK. Il reprendra pas l'expansion. Il reprendra pas toute son expansion, puis donc ses capacités isolantes vont être vraiment réduites. Fait qu'on devrait l'entreposer souvent avec le sac. Il y a un sac de rangement qui est comme un gros sac de filet qui vient avec. Ça va laisser l'isolant garder son volume. On peut aussi l'étendre dans un endroit sec et à l'abri du soleil, comme en dessous de son lit. Donc, c'est pas en motard. Tu sais, si on a, en appartement, on n'a souvent pas 8 garde-robes pour entreposer notre sac de couchage. Donc, en dessous du lit, ça prend pas trop de place. Faut juste s'arranger pour qu'il y ait une croûte de poussière qui se ramasse dessus. Utilisez pas de sac de plastique comme on l'entrepose pas dans un sac de poubelle. Là. C'est pas bon. Là. À la limite, achetez-vous une grosse tête d'oreiller ou je sais pas trop pour le mettre dedans, mais c'est pas quelque chose qui va garder l'humidité. C'est vraiment pour permettre à l'isolant de prendre son expansion puis de sécher comme il faut. Pour laver un sac de couchage, c'est un savon liquide doux pour l'isolant synthétique. Puis il y a des savons spéciaux aussi pour ça qui... Juste pour le sac de couchage? Ben, pour les manteaux et sacs de couchage. Okay. Donc, les isolants synthétiques. Il y en a aussi spécial pour les duvets. Encore une fois, manteau, sac de couchage. Donc, c'est autour de 10-15 $ un nettoyant comme ça. Puis t'en as pour peut-être... 4-5 lavages. Donc, un manteau, on lave ça à la fin d'hiver. Un sleeping bag une fois par année. Donc, ça peut être bon pour 2-3 ans. Puis, on laisse sécher comme sur le corde à linge ou pas de sécheuse. Est-ce que tu mets un petit peu de bounce? Non. Non. Aucun assouplissant. Les vêtements qu'on met pour aller courir, quoi que ce soit, devraient pas avoir d'assouplissant parce que ça va boucher les pores qui respirent. Ah! Donc, si vous avez un chandail en polyester que vous mettiez pour aller courir, au début, vous avez l'impression de rester au sec et après 10 lavages, ben ça fait plus effet parce qu'il faut juste pas mettre de bounce liquide ou dans sécheuse, quoi que ce soit. C'est même pas recommandé. Même pas le nouveau truc que tu mets dans la laveuse et dans la sécheuse et dans, dans ton lit. Non. En plus, tu peux prendre en feu hein, aussi avec ça. Ah ouais? Ouais, c'est marqué dessus. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Ah ouais? Je savais pas. Sur l'assouplissant, ça avait jamais marqué. Ah non. Sur l'assouplissant, il est marqué qu'il y a un risque d'autocombustion, je sais pas, mais... Eh ben! On va mettre plus. Non, hein? Je pense qu'un petit choc une fois de temps en temps. Ah, puis faut pas mettre ça au lave-vaisselle non plus, hein, c'est de couchage. Non, c'est pas très bien. Pas au lave-vaisselle, mais c'est ça. C'est mieux de le laver à main dans le bain ou dans une... C'est mieux de laisser vers un chargement frontal parce que si on la prend sur le dessus, ça risque de la déchirer parce qu'il y a un poteau dans le milieu. Donc, si on prend un chargement frontal, il n'y a rien qui risque de la maganer. À cycle délicat de préférence. Puis tu sais, on ferme tout, là. On zip au complet, la fermeture éclair. S'il y a des velcros, on les referme comme il faut. S'il y a le petit collet, on l'attache. S'il y a des Kleenex dans les poches. On les vide, c'est ça. Puis on sèche le sac dès que possible, surtout s'il est en duvet. C'est pas préférable, c'est pas l'essentiel, mettons, à la sécheuse, mais si on n'a pas le choix, c'est à l'air froid, puis tu sais, comme cycle délicat. Puis. C'est bien juste le faire tourner dans les airs avec votre main, puis ça va être. L'idéal, c'est vraiment une corde à linge ou l'étendre sur un lit, quelque chose. Mais très mal pris, on peut le mettre à sécheuse, l'air froid, puis on rajoute quelques balles de tennis dans la sécheuse pour répartir comme il faut l'isolant. Balle, ok. Balle de tennis, comme. Ok. Vraiment une balle de tennis. C'est une balle qui n'est pas trop dure, qui n'est pas trop molle, puis ça va juste comme taper comme il faut okay. sur le. Donc, moi, quand je faisais sécher mon sac de couchage dans le four grille-pain. Non. C'était pas correct. Non. Ok. T'as pas eu fait un peu d'autocombustion avec ça? Ouais, c'est mm-hmm. ça. Non. Mais c'est vraiment comme quand on le sort de la laveuse, on met peut-être 5-10 minutes dans la sécheuse juste pour justement répartir comme il faut l'isolant, puis le reste, on le fait à l'air libre. C'est vraiment l'idéal. Mais température froide pour pas justement le maganer, parce que le chaud, ça risque de. S'il y a des propriétés imperméables, des choses comme ça, ça risque de maganer ou sa protection contre le froid. Ouais. Voilà. Ça va gâcher les raisons pour lesquelles vous avez acheté votre sac de couchage, hein, donc c'est peut-être pas la meilleure idée. Il y en a qui vont jusqu'à 400-500$, donc je suis pas sûre qu'on a le goût de faire des mauvais coups, de manquer sa shot avec. Non. Parce qu'il y en a, vous pouvez aller vous acheter un sac à 30$ dans un magasin grande surface. Pour faire du petit camping d'été ou pour avoir ses couvertes quand on va dormir chez un ami, mais pour des raisons plus hivernales ou température un peu plus. On est mieux d'aller chercher quelque chose de qualité pour passer une bonne nuit, puis pas avoir la grippe. Ah, comme toi. Oui. Mon pauvre toi. Est-ce que c'est à cause d'un mauvais sac de couchage? Ça doit. T'étais en camping avec un snuggie, je savais. Mmh. Ouais. Je vais faire plaisir à Mathieu, je vais essayer un snuggie, mais non! Mais yeah. non! Y'a là, je parle du nez à cause de toi. Ben oui. T'as-tu acheté celui qui a un zèbre? C'est dur, celle-là. Non. C'est dur. Ouais, t'es vraiment au courant de toutes les tendances du snuggie? C'est ouais. Quoi, y a-tu un groupe Facebook? Groupe Facebook. Parce que t'es à tout, c'est pour ça? Je les ai tous achetés. Ah, un pour les chiens aussi, même. Ils en sortent, genre, régulièrement, des nouveaux modèles? Ouais. ouais. Pour chiens zébrés, là, t'es cœur. Ouais, y'en a pour chiens, pour vrai, hein? Y'en a des roses, puis le cancer du sein. Y'en a pour tout le monde, pour tous les goûts de snuggie, là. Hein? T'sais? Non. Bon. Merci, Émilie Gauthier. Ben, ça fait plaisir. On te retrouve mardi prochain avec une autre chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Et là, ce sera les tantes la semaine prochaine. Là. Oui. C'est vrai, là? Mais pas ma tante Ginette, là. Non. Non. Ni Claire, ni Francine. Non. Non. Ça va être la tante abri escamotable. Escamotable. Hey, c'est rare qu'on sorte de ce mot-là, hein, Kiwan? Donc, on va escamoter. Oui, parce prochaine. Qu'on s'en va bientôt, là. On escamote. Oui, il reste pas beaucoup de temps à l'émission. Mais merci, Émilie. À la semaine prochaine. Bye. Je vous promets d'avoir plus de voix. C'est ça. T'as envie de faire ça tout le long. Nous, avant de se quitter, il reste vraiment pas beaucoup de temps à l'émission. Je voulais vous parler un peu de la programmation en salle des Francouvertes qui a été annoncée aujourd'hui. C'est seulement la partie en salle, donc c'est une minorité des spectacles. Il y a comme environ 400 spectacles pendant toute la période des Francofolies. Puis c'est peut-être 20% qui est en salle. Quand c'est mathématique, moi tu me perds. Non, mais je sais pas exactement combien. Je dis des chiffres comme ça, je lance ça en les airs, puis ça donnera ce que ça donnera. J'ai retracé comme ça là, ce qu'il y avait de plus intéressant pour ce qui est des spectacles en salle. Entre autres, Mickey 3D qui va être là. Il y a quand même beaucoup d'artistes français, puis je suis vraiment pas un connaisseur d'artistes français, donc je m'avancerai pas à en parler trop. Je vais me concentrer surtout sur ce qui est québécois et sur Mickey 3D qui va être là. Il va y avoir aussi Radio, il va y avoir le Malajub avec un spectacle. Ça, c'est très intéressant, avec un spectacle unique. Ça s'appelle Malajub Cube Rubik. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas le spectacle qui roule présentement pour leur tournée de l'album Labyrinthe. Puis il n'y a pas de nouvel album non plus, je crois, qui sort. Donc c'est vraiment un spectacle qu'ils ont conçu pour les Francofolies. Puis j'imagine qu'ils vont peut-être le faire après, plus tard. Mais sur le site des Francofolies, on ne veut pas dire ce que c'est exactement. Ça dit vraiment qu'il va falloir être là. C'est lundi le 14 juin, ça. Oui, en passant, les dates ont changé un peu. Hein. C'est un peu plus tôt cette année pour les Francouvertes. Avant, c'était la fin juin. Maintenant, c'est au début juin. C'est du 8 au 19 juin. Donc ça s'est déplacé comme deux semaines, un peu plus tôt. Puis frisqué un peu. Hein. Ouais, c'est ça. Besoin d'une quoi? De quoi tu peux avoir besoin? Chaque année, il y a toujours après ça des voir un snuggie. Francouverte. Ça va prendre un snuggie. Snuggie. Une francouverte, c'était. Snuggie, excuse-moi. C'est toujours des jeux de mots couvertes. Hein, Il est parti. Mais francouverte, ça n'a pas rapport avec les francophonies. Hein. C'est vraiment deux choses différentes. Moi, ouais, je sais, contre, mais le jeu de mots, par exemple. Parce que là, tu essaies de mêler les auditeurs. Les requins. C'est Francis Martin. Les Francis Martin. Mais ils sont quand même futés, les Francis Martin, ils ne se laisseront pas avoir aussi facilement. Donc, bref, à part spectacle unique de Malajub, Cube Rubik, il va avoir Bernard Alamus qui va être là pour quelques soirs. Il va avoir les Vulgaires Machins, il va avoir Marat Tremblay, Tricot Machine, qu'on va entendre dans quelques instants, Damien Robitaille. Donc, ça, c'est les artistes les plus intéressants que j'ai débusqués comme ça parmi la programmation en salle. La programmation en salle, vous la retrouvez sur, évidemment, sur les Francopholies, sur www.francopholiesaupluriel.com. Puis vraiment un paquet de salles. Là. J'ai pas dit exactement les dates pour chacun des artistes puis les salles. Vraiment, aller consulter la programmation pour avoir plus de détails parce que c'est quand même assez complexe comme programmation. Et tous les billets vont être en vente à partir... En ventre? Les billets vont être en vente à partir du 8 avril. Menum. Donc à partir de jeudi, tous les billets sont en vente pour les Francopholies 2010. Si t'as des... Mettons, les spectacles sont en salle, là, est-ce que tu peux mettre de la soupe quand t'es là? Si tu veux, OK. Oui. Pas trop, par exemple. Un demi-bouchon. Ouais. Pour les spectacles en salle. Ça dépend si tu danses beaucoup, hein, parce que si ton chalet est en laine, tu danses beaucoup, tu te frottes sur quelqu'un à côté, ça fait de l'électricité statique. C'est là que tu pognes en feu. C'est là que c'est dangereux pour vrai. Je voulais juste vous le dire. C'est ça. Quand tu mets du gaz dans ton auto, faut que tu éteignes le moteur. Oui, c'est la même chose. Non, mais si tu as de l'assouplissant sur ton chandail de laine, puis que pendant que tu mets de l'essence dans ton auto, tu danses, puis tu te frottes un peu. Parce que laisser la radio allumée, peut-être ça. Ouais. Voilà, ça peut arriver. C'est comme ça arrive les accidents, vraiment. C'est dangereux. C'est vite arrivé, ça. Ouais. C'est traître, des petits accidents de même. C'est traître. Je pense qu'on va finir l'émission comme ça. Vite de même, sans thème de fin, rien. Tu vas dire un thème de fin? Là, le monde à la maison, il mérite, avec la cotisation qu'il paye à l'université, il mérite un thème de fin, là. Hein? Hein? Ah! Donc voilà. Je danse avec la statique. Hey, attention, t'as-tu mis de... Ah, je suis sûr que tu vas prendre en feu avant la fin de l'émission. Il te reste 4 minutes. Vas-y, déhanche-toi jusqu'à ce que tu prennes en feu, Mathieu. Le moins possible devant les gens. Finalement, danser, moi. Donc, on se retrouve demain, Mathieu, à 15h pour une autre édition d'Assemblage Requis. Oui, demain, on va avoir Maxime Lemieux-Ramé qui, normalement, est là le lundi. Il va être là demain. Et on va aussi avoir Simon Fétibé dans sa chronique habituelle Paul is Dead. C'est demain à 15h ici à C'est Fou. D'ici là, ce soir, c'est Chien M'écoute-tu en rappel avec Sophie Laforêt à 17h. Puis il y a Rock Révélé à 19h. Et réanimation à 21h, c'est une soirée chargée, comme de la statique, chargée des... Ouais. Pareil. Donc on se laisse avec Tricot Machine à la pièce Comme un accident. Bonne soirée, Mathieu. Ah, c'est vite arrivé, c'était ça que tu voulais faire comme jeu de mots, comme un accident. Hey, bonne soirée, les Francis Martin aussi. Hein. Salut les requins. On va les essayer jusqu'à temps que ça marche. Hein. Toi, Émilie, requin ou Francis Martin? C'est vrai, on t'a pas demandé ton opinion pour le nom des auditeurs. Francis. Ah, Colin, les requins, tu sais, assemblage requin, c'est tellement mieux, voyons. T'as pas de goût, toi, va-t'en. Bye! Claque la porte en sortant. Donc, à date, on a une personne qui vote pour Francis Martin. Ouais. On suit le déroulement. C'était pas assez fort, je trouvais. Ah, là, tu vois. Oh, mais faut-tu mettre de la force dedans quand tu claques une porte? Oui. Ah! Tu vois, ça, c'est un auditeur qui nous a claqué ça dans la face, c'était bien. C'est un gars de sport, ça, d'après moi. Frapper fermer des portes violemment comme sans ça, là, c'est un sportif. Juste au bon moment, quand tout tenait qu'à un fil, en plein dérangeant, avant que je prenne le champ. Simplement, sans comment, ni pourquoi, avec du présent. Qui dormait en dedans, et caché sous des peut-être, mais en attendant, le jour se lève enfin, notre faire sa grande course. Je me dis, je prends.